Votre cyber revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. All right. Content de vous savoir toujours à bord ici de l'émission, de plus en plus nombreux. Je vous remercie, vous salue bien bas d'être à l'écoute et de propager les nouvelles, d'être les médias. N'hésitez pas à parler de cette émission. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube. Alors, vous pouvez poster toutes les vidéos qui est en segment, dont l'émission est découpée en segments, et puis remplissez l'Internet de tout ça. Donnez les liens vers Choc FM et puis ne manquez pas aussi de visiter mes deux blogs, Les Nouvelles Internationales, sur lesquels vous allez retrouver toutes les nouvelles dont je discute ici. Alors, vous pouvez trouver en lien toutes les nouvelles. Alors, cette émission est documentée. Et puis, l'autre blog qui ne m'appartient pas personnellement, mais nous sommes un collectif de 7 auteurs du Québec sur un site qui s'appelle Les 7 du Québec. Alors, je vous invite à aller visiter le site. Donc, chaque auteur occupe une journée, puis on publie un texte par jour à tour de rôle. Et puis, cette semaine, j'ai posté un texte sur le AH1N1. Alors, on va en reparler un peu plus loin dans l'émission, mais on se demande la question où diable est passé ce H1N1 à la con? Alors, c'est le titre de l'article. Vous pouvez le retrouver sur les sites du Québec. Ne le manquez pas. Alors, cette semaine, on va parler de quoi? Ben, on va parler d'actualité, on va parler des armes nucléaires d'Israël. On va aussi parler un peu du Moyen-Orient et puis du Kirghizistan. Alors, Kirghizistan aussi, ça brasse pas mal, et puis quelques autres pays du Moyen-Orient, pour ensuite retrouver notre dossier sur le réchauffement climatique, donc sur le culte du réchauffement climatique causé par l'homme. On va passer aussi probablement la moitié de l'émission à ce sujet. Donc, écoutez, là, c'est une grosse émission encore. Alors, restez à l'écoute et puis ne manquez pas l'excellente musique comme à chaque semaine. Alors, voilà, donc on va commencer avec une petite annonce dans l'actualité. Alors, vous avez un spectacle pour le 2e anniversaire de Noir Canada, qui est un livre qui est paru sur les éditions Éco-Société. Un livre qui parlait des exploitations minières comme Barrick Gold et puis Benroe dans d'autres pays. Et on utilise des techniques, peu catholiques là, pour aller chercher ces ressources-là. Donc, on arrive même des fois à financer des groupes paramilitaires pour chasser les paysans de leur terre et toutes sortes de manigances là, pour essayer de faire en sorte qu'on s'accapare les ressources naturelles minières, surtout les métaux précieux de ces pays-là. Alors, quand le livre Noir Canada a été publié, ces grosses multinationales, dont Barrick Gold, qui est la plus grosse société minière mondiale, n'a pas tardé à attaquer le livre et les auteurs et la maison d'édition. Alors, on les a frappés d'interdiction de publication et de toutes sortes de trucs comme ça. Ils nous ont poursuivis à la hauteur de plusieurs millions de dollars. Alors, il est important que vous supportiez ces auteurs et puis la liberté d'expression, surtout dans des cas aussi importants que ça. Alors, on va avoir un spectacle pour le 2e anniversaire de Noir Canada. On l'a nommé « La parole est d'or », donc un titre bien approprié pour cette conférence, réunion. Ça va être le jeudi 22 avril à l'Alizé, qui se trouve à être au 900 Ontario-Est, au métro Berry-UQAM. Ça va être à 20h, et puis l'ouverture des portes va se faire à 7h30, donc 19h30. Les billets sont à 15 $ en vente sur place. Alors, ne manquez pas ça, ne manquez pas ça. On dit, c'est dans le petit communiqué de presse, qu'avec le printemps vient le temps du dégel des langues et des oreilles, le temps de chanter, de bavarder, de fêter ensemble. Les éditions Éco-Société vous invitent à sortir de votre tanière pour un spectacle du verbe dégourdi. Alors, on va avoir de la poésie, des manifestes, des contes, des chansons pour s'éveiller, s'émouvoir. Quoi qu'on en dise, dans les chartes et les manuels scolaires, la liberté d'expression dérange et chaque jour, on doit traverser de nouvelles tempêtes. Alors, les auteurs de Noir Canada et l'équipe des éditions Éco-Société en ont eu, il y a 2 ans, une bien triste confirmation quand cette publication leur a valu 2 poursuites en diffamation pour 11 millions de dollars de la part de Barrigold et Ben Rowe, 2 géantes de l'art. Depuis, le poids de ces procédures judiciaires vient confirmer, imprimer dans les cœurs l'importance de cette liberté. Passeurs d'idées, passeurs de mots, nous l'étions déjà plus que jamais. Nous nous engageons dans la défense de la parole libre. Alors, le 22 avril, deuxième anniversaire de l'apparition de Noir Canada, venez célébrer cette parole précieuse, sa parole censurée, parole risquée, parole désirante, revendicatrice et osée. Ces paroles que nous avons soif d'entendre. Parmi les invités à cette soirée, nous aurons le plaisir d'entendre le comédien Paul Amarani, le poète Paul Chamberlain, le griot d'origine congolaise Bertin Dzanga, les auteurs Alain Deneau, Francis Dupuis-Déry et Lumumba Emongo, le chansonnier Jean-François Lessard et la comédienne et auteure Maya Loanaz et la conteuse Nadine Walsh. Alors, un beau festival à aller voir. Allez-y en grand nombre, chers auditeurs. Vous avez toutes les informations sur le site des Nouvelles Internationales. Vous pouvez rejoindre aussi le bureau à Montréal par téléphone dans le 514-521-0913 ou par courriel. Vous avez amvoisard@commercialecosociete.org. ORG. Alors, voilà. L'annonce est faite. OK, maintenant, on va se pencher vers un dossier assez chaud de la semaine. La Turquie, écoutez, là, la Turquie a effectivement n'a pas caché son intention de mettre le super sujet sensible sur la table des armes nucléaires israéliennes. On a un sommet avec Obama et la Russie qui s'est produit, puis on essaie de faire en sorte que tous les pays du monde signent l'accord de non-prolifération des armes nucléaires dans le monde. Alors, vous avez un pays qui a décidé de ne pas participer à ces rencontres, et puis c'est Israël. Alors, le premier ministre turc l'a déclaré en toutes lettres la semaine dernière à Paris, où il faisait étape avant de se rendre à la conférence de Washington. Vous avez le président de la Turquie qui a déclaré qu'Israël est la principale menace d'aujourd'hui sur la paix régionale. Israël possède l'arme nucléaire, mais n'adhère pas au TNP. Donc, le TNP, c'est le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Alors, est-ce que cela, ça veut dire que ceux qui n'ont pas signé le TNP sont dans une position privilégiée? Alors, il sera très intéressant de suivre les démêlés et les règlements des comptes feutrés qui ne manqueront pas à cette conférence. La Turquie n'est plus l'alliée d'Israël. Cela change bien les choses dans cette région du monde. Si Israël est attaqué sur cette question à la conférence, que fera Obama? Alors, vous savez, comme je vous disais, Israël ne partira pas à cette conférence. Est-il bien logique de faire grief à l'Iran d'un arsenal qui n'existe pas, alors qu'en Israël, on a tout un arsenal nucléaire qui est tout à fait réel, dont il est défendu de parler car officiellement, il n'existe pas. Mais justement, on risque d'en parler de plus en plus ces prochains temps. Alors, petit rappel, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qu'on dit le TNP, conclu en 1968, a été signé par la plupart des pays du monde, sauf par l'Inde, le Pakistan et Israël. Alors, vous avez ces 3 pays-là qui possèdent la bombe nucléaire et qui n'ont pas signé encore le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Alors, ça a été assez chaud cette semaine et puis ça risque de continuer à débouler dans les médias. Très intéressant, les armes nucléaires israéliennes qui sont exposées. On a une politique d'ambiguïté depuis des décennies, puis elle est en train d'exploser. Ça fait longtemps, en fait, même dans les documents militaires américains qui ont été déclassifiés, qu'on sait qu'au moins depuis 1964, qu'Israël possède des bombes nucléaires. Et on sait pertinemment que c'est la France et les États-Unis qui les ont aidés en premier lieu à développer ces armes nucléaires. Alors, vous avez plusieurs articles à les trouver cette semaine. Très intéressant de voir la Turquie qui fait une sortie publique et puis dénonce Israël avec ses armes nucléaires, surtout dans ce double standard où on essaie de blâmer l'Iran d'en faire pareil alors que c'est le voisin, c'est le pays quasiment voisin là, qui en possède de façon clandestine depuis des décennies. Alors, il va sans dire que Netanyahou agit comme un homme qui a quelque chose à agir quand il a dit qu'il était pour ne jamais assister à ce sommet à Washington. Et cette chose qu'il a cachée, c'est évidemment un arsenal nucléaire. Donc, pourquoi qu'on essaye de cacher ça? Bien, pour plusieurs raisons. Alors, Israël, évidemment, agit de façon, si vous voulez, là, illégale, là, de façon clandestine avec ses armes nucléaires et se permet d'accuser l'Iran et puis de vouloir attaquer l'Iran pour posséder supposément des armes nucléaires. Alors, voyez ici là, les doubles standards et puis l'hypocrisie à son niveau le plus élevé. Aussi, le gouvernement américain qui se trouve être accessoire au crime d'un vol sans pareil du peuple américain. Pourquoi? Parce qu'on donne des milliards de dollars à chaque année, alors 3 à 5 milliards de dollars à chaque année d'aide financière et militaire à Israël. Alors ça, c'est les Américains, les payeurs de taxes qui payent ça. Et depuis le passage de l'amendement de Symington en 1976, allant jusqu'au Foreign Appropriations Act de 1961, Obama doit pardonner non seulement tous les présidents, mais aussi tous les congrès qui ont siégé depuis, qui ont servi, ont été accessoires au vol de tout cet argent des payeurs de taxes américains pour le donner à Israël. Pourquoi? Parce que c'est illégal selon ces deux amendements et puis ces actes qui ont été passés aux États-Unis. Alors, il est illégal aux États-Unis de donner de l'argent à un pays qui n'a pas signé les accords de non-prolifération des armes nucléaires et qui ont développé des armes nucléaires de façon clandestine. Okay? Donc, évidemment qu'on essaye de tout cacher ça. Parce que là, on se retrouve avec un paquet de criminels depuis les années 60. All right? Comme je disais, la Turquie qui a décidé de critiquer le programme nucléaire d'Israël, M. Tayyip Erdogan a déclaré que le programme nucléaire américain était vraiment là, scrutiné, examiné de très proche parce que, en réalité, l'Iran fait partie du TNP. Okay? Il faut comprendre ça. Et puis, vous avez aussi l'agence nucléaire. Atomique, l'Agence de l'énergie atomique internationale, qui a déclaré que l'Iran n'avait pas encore, il n'y a pas aucune preuve là, qui dit que l'Iran a développé un programme nucléaire militaire, mais bien pacifique pour produire de l'électricité puis des isotopes médicaux. Alors qu'Israël, qui n'a pas signé le TNP, semble libre de faire ce qu'elle veut. Alors vraiment ici des doubles standards assez frappants. Alors, bravo pour le premier ministre de la Turquie pour avoir le courage de déclarer de telles choses. Selon Erdogan, qui a déclaré dans les médias qu'Israël devrait se dénucléariser, donc devrait renoncer à ses armes nucléaires. Et puis, vous avez aussi différents médias. Alors, vous avez MSNBC qui a admis qu'Israël avait des armes nucléaires. Alors, vous avez des articles à aller voir là-dessus. Donc, vous voyez là que tout ça commence à être avoué de plus en plus par différents hommes d'État et aussi par différents médias, ce qui est très intéressant. Puis, non seulement vous avez MSNBC, vous avez aussi AP, donc Associated Press, qui a déclaré ouvertement qu'Israël possédait des armes nucléaires. Alors, disons que la politique officielle d'ambiguïté ne tient plus vraiment, est en train de foutre le camp et puis on est en train de s'apercevoir qu'il y a eu un gros vol des dollars collectés au niveau des payeurs de taxes américains pour Israël, donnés par le gouvernement américain, comme je vous disais, ce qui est totalement illégal aux États-Unis. Vous avez aussi le Daily Mail qui a rapporté que Netanyahou s'était sauvé du sommet organisé par Obama, donc la conférence sur les armes nucléaires, ayant peur que les pays musulmans étaient pour demander à Israël de se désarmer. Alors, vous voyez là que tout ceci est une chose très importante à surveiller. Et selon les chiffres qu'on a ici, vous allez voir, selon les articles, les chiffres varient énormément. La raison est qu'on n'a pas vraiment une idée claire de combien de bombes nucléaires ces pays possèdent. Mais juste pour vous donner une idée, ici, on dit que les États-Unis possèdent 9 500 bombes nucléaires. La Russie n'en aurait pas loin de 13 000. La Grande-Bretagne, 192. La France, 300. La Chine, 176. L'Inde, 75. Le Pakistan, environ 90 têtes nucléaires. Et puis Israël n'en posséderait entre 200 et 400. Et puis la Corée du Nord en aurait deux. Alors qu'on est dans un autre article ici d'un estimé de la CIA déclarait qu'il croyait qu'Israël possédait déjà des têtes nucléaires encore. Alors ça, c'est un document de la NSA, des archives de la NSA directement. Alors vous pouvez aller trouver ça. Et dans un autre article ici de Press TV, on trouve qu'Israël se retrouve au rang de numéro 6 au niveau mondial avec plus de 300 têtes nucléaires. Donc, ça, c'est juste à côté de la Grande-Bretagne. Okay? Donc, vous voyez là que Israël est réellement une puissance nucléaire assez importante. On dit ici un autre article que les États-Unis et la Russie se sont mis d'accord pour détruire des milliers de bombes nucléaires, alors qu'on devrait en garder environ 1 500 de chaque côté de la clôture. On dit ici dans cet article que la Russie aurait couramment 2 600 bombes nucléaires alors que les États-Unis en auraient 2 252. Alors, comme je vous disais, là, vous voyez que les chiffres varient. La raison est que, bon, on n'a pas vraiment les chiffres officiels, ce sont des estimations. Sauf que, vous voyez que même si les États-Unis en avaient que 2 250 et puis la Russie à peu près 2 600, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup et suffisamment pour détruire la planète plusieurs fois. Alors, on essaye évidemment là de faire en sorte qu'on n'envoie pas un signal de faiblesse aux autres pays. Alors, vous avez la secrétaire d'État Hillary Clinton qui a fait une sortie cette semaine, a été rapportée par AFP, que les États-Unis n'écarteraient pas la possibilité d'utiliser des armes nucléaires s'ils étaient sous une attaque biologique, disant qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui les empêcherait là, de faire l'utilisation de ces armes nucléaires. Alors, vous avez autant Clinton que le secrétaire de la Défense Robert Gates qui ont fait des interviews à la télévision ensemble et ont déclaré que l'Iran et la Corée du Nord représentaient des exceptions à la limite par rapport auxquelles les États-Unis utiliseraient une réponse nucléaire. Alors, on dit de la part de Gates et puis de Clinton que les deux pays, alors la Corée du Nord et puis l'Iran, sont les deux à avoir défié des résolutions de l'ONU avec leur programme atomique. Ça, c'est aussi un autre exemple d'hypocrisie absolument incroyable. Et puis, ces gens-là ont déclaré, je cite, si on peut prouver qu'une attaque biologique avait pour origine un pays qui nous ont attaqué, alors ici en anglais, on dit all bets are off, ce qui veut à peu près dire que à ce moment-là, tout va, quoi. C'est-à-dire que là, il n'y a pas rien qui va nous empêcher d'utiliser ce qu'on veut. Alors, ça, c'est ce que Clinton a déclaré lors d'une interview sur CBS au programme Face the Nation. Alors, je vous dis, prouver comment, ça, c'est la question que je lance, prouver comment. Je veux dire, ces gens-là nous avaient promis au lendemain du 9-1 de nous prouver que c'était Bin Laden, l'Al-Qaïda, qui avait causé les attaques sur New York et puis sur le Pentagone. Et en 2010, la preuve n'a jamais été encore apportée, OK? Avec deux guerres au Moyen-Orient, plus de 1 million de personnes qui ont été tuées autant en Irak qu'en Afghanistan. Et on ne nous a jamais prouvé encore que c'est la Bin Laden et puis l'Al-Qaïda qui avaient fait ça. Alors, prouver comment, oui, si on avait une attaque biologique, qui dit que ce ne serait pas encore là la CIA qui relâcherait une petite fiole de produits biologiques dans une des grandes villes américaines, et puis après ça, on le blâme sur la Corée du Nord ou sur l'Iran. Alors, prouver comment, hein, à peu près comme ils ont prouvé que Bin Laden était derrière le 9-1. Alors, gros problème de crédibilité ici. Ensuite, on dit que Clinton avait fait référence à une nouvelle politique sur les armes nucléaires américaines qui ont été révélées la semaine passée, qui fait une restriction de l'utilisation des armes atomiques contre des pays qui ne sont pas armés d'armes nucléaires et qui sont en complet, si vous voulez, accord et puis qui suivent l'accord de la non-prolifération sur les armes nucléaires. Alors, on a demandé pourquoi l'Iran et la Corée du Nord étaient considérés comme étant des exceptions et puis Gates a répondu, et puis je cite, eh bien, c'est parce qu'ils ne sont pas en accord et puis ils ne suivent pas le traité du PNT, alors de l'accord des non-proliférations nucléaires. Alors, on dit que pour eux, ben tout est permis. Alors, toutes les options sont sur la table. Ah bon? Alors, je vous dis, ah bon? Et puis Israël, elle? Comment ça se fait qu'Israël n'est pas inclus là-dedans? Le Pakistan n'est pas inclus là-dedans, puis l'Inde n'est pas inclus là-dedans? Alors, voyez, et puis ici, là, la grosse question des doubles standards, on joue aux gendarmes nucléaires sur la planète alors qu'on possède soi-même des bombes nucléaires. En plus, les États-Unis, qui est le seul pays au monde à avoir utilisé des bombes nucléaires contre une population civile. Alors, très importante considération ici à avoir en tête. Alors, dans un autre article ici de AP, on a une riposte du leader suprême de l'Iran. Alors, j'ai nommé le leader Ayatollah Ali Khamenei, qui a déclaré que le président Barack Obama avait implicitement menacé son pays avec des armes nucléaires dans cette nouvelle politique ouvertement déclarée par les États-Unis. Téhéran a dit aussi qu'il avait l'intention de remplir une plainte formelle avec les Nations Unies par rapport à ça. Et puis, effectivement, cela constitue une menace implicite à ces deux pays-là, vraiment une menace nucléaire, alors qu'on a laissé l'Iran et puis la Corée du Nord comme étant l'exception à la nouvelle politique des États-Unis. Alors, le leader suprême Ayatollah Al-Khamenei, qui a le dernier mot sur toutes les affaires d'État de l'Iran, qui est le vrai le vrai chef de l'Iran. Alors, on dit souvent que c'est Ahmadinejad qui est le président de l'Iran, mais il ne faut pas oublier que le vrai leader suprême est l'ayatollah Ali Khamenei, OK? A déclaré que le langage d'Obama était disgracieux et que c'était une preuve qu'on ne pouvait pas faire confiance aux États-Unis. Alors, malheureusement, Khamenei est absolument correct sur cela. Alors, vous savez, on essaie de jouer des tambours de la guerre de plus en plus fort, OK? De plus en plus vigoureusement pour essayer de lancer une attaque américaine ou israélienne contre l'Iran. Et puis, vous avez Israël qui est là en train de faire la cheerleader, qui est vraiment contente et puis qui a le goût, qui a envie que les jeunes Américains s'en aillent à la bataille et puis se font blesser et puis se font tuer pour protéger Israël et qui voit, elle, l'Iran comme une menace existentielle, OK? Alors que c'est elle-même qui possède des bombes nucléaires de façon clandestine depuis les années 60. Alors, voilà pour ce dossier-là assez important. Ensuite, on a quelques articles ici sur la neutralité du net, du web, de l'Internet, OK? Donc, qui est menacée. Alors, ici, vous avez une cour aux États-Unis qui a rendu un jugement par rapport à la FCC, qui est la Federal Communications Commission aux États-Unis. Et puis, on a déclaré dans ce jugement que la FCC n'avait pas aucune autorité légale pour imposer une neutralité sur le net strict, OK? Et puis même d'imposer des réglementations sur ceux qui donnent les services Internet. Alors, vous avez là ici un cas très important. Pourquoi? Parce que ben c'est ça l'affaire, c'est que vous avez sur Internet, pourquoi l'Internet est si fantastique et si libre, le dernier bastion de la liberté d'expression, de la liberté, c'est que votre parole votre blog, vos commentaires ont le même poids, si vous voulez, ont la même place, okay? Que les gros médias, que les gouvernements, que les officiels, que les gros riches, que les multinationales, que n'importe qui d'autre. Alors, votre petit blog reçoit autant de services, autant de bandes actives d'Internet que les plus gros blogs, OK? Donc, il n'y a pas de préférence. On n'essaie pas de privilégier les plus gros, les grosses puissances financières. Et puis, c'est ce qui fait qu'Internet est aussi fantastique. Alors, les sites qui attirent le plus de monde, ben, l'ont pour leur mérite, OK? Donc, là, ce qu'on essaie de faire, c'est faire en sorte que, bon, les blogueurs les plus petits tombent dans une ligne au ralenti, puis que les plus gros payeurs et puis les plus grosses multinationales, les plus gros pouvoirs, et accès à un Internet accéléré. Alors, on essaie de faire un Internet à deux vitesses. Okay? Même plus que ça, on essaie peut-être même d'instaurer des permis, okay? Un peu comme des permis de conduire pour accéder à Internet. Et puis, vous allez devoir éventuellement demander à une compagnie l'autorisation d'ouvrir un blog. Et puis, vous allez devoir soumettre les sujets desquels vous voulez traiter. Et puis, si on juge que c'est inapproprié, bien, on va vous refuser. Alors, on est en train de tuer la neutralité du net. Et puis, ça, c'est un dossier très, très, très important. Et d'amener l'Internet 2, ça fait longtemps qu'on en parle et puis ça continue de bouger, même si on n'entendait pas parler dans les médias de masse, mais encore là, une fois, c'est pour ça que vous écoutez L'Autre Monde, parce qu'ici, vous entendez les choses qui se passent, mais qui se passent sur des médias importants sur Internet, mais qu'on n'a pas vraiment conscience, là, surtout dans la blogosphère francophone, qui, je dirais, traduit à peu près à moitié ou au tiers de ce qui se passe dans la blogosphère anglophone au complet. Alors, on y retrouve trop peu d'informations, et puis l'information très importante, souvent passe inaperçue. Alors, voilà. Vous avez différents articles, comme je vous disais, à les consulter là-dessus. Vous avez aussi différentes tentatives de faire en sorte qu'on va contrôler l'Internet de plus en plus, même installer des filtres. OK? Donc, on va faire en sorte que certains sites vont être bannis. Alors, souvent, on met ça sur le dos de la pédophilie ou, ben non, de toutes sortes de trucs comme ça, là, de sites haineux et racistes. Ce qui est pas mauvais en soi, sauf que ce qui arrive tout le temps, c'est qu'on inclut dans ce paquet-là, tout le temps, peu à peu, de plus en plus, un peu comme le filtre en Chine, des voix, des sites qui sont des dissidences politiques, qui sont critiques des autorités, des sites qu'on juge inacceptables, OK? Donc, bien souvent pour l'ordre établi, pour l'élite. Là, vous avez ici ce qu'on appelle l'Emergency Internet, qui est un projet de loi qui est en train d'être réécrit aux États-Unis et puis qui va être réintroduit. Alors, vous avez une nouvelle ici de CNET. Donc, on a des meetings à porte close qui se passent sur Capitol Hill, donc sur la colline du Capitole là-bas aux États-Unis. Et vous avez à peu près une douzaine d'industries qui sont représentées par des lobbyistes là-bas. Donc, ça, c'est CNET, CNET qui a appris ça. Et vous avez le staff du congressiste Rockefeller qui sont en train de faire une révision, une nouvelle version d'une législation pour assurer une certaine cybersécurité assez controversée, disons-le. Alors, qu'est-ce que ça inclut, tout ça? Ben, ça inclut des réseaux d'Internet qui sont possédés, qui passent dans les mains de propriétaires et puis opérés par le secteur privé. Alors, c'est un peu comme que je vous disais. Alors, dans une tentative de limiter la critique et puis la dissidence, on va faire en sorte qu'on va installer différents filtres, comme je vous dis, puis un certain contrôle corporatif sur ce qui va être dit dans le futur sur Internet. Alors, ceci se résume ni plus ni moins en une tentative du gouvernement américain de fermer l'Internet comme média alternatif. Et puis, si cela se passe réellement, peut-être qu'il va être temps de commencer une vraie résistance, okay? Puis faire en sorte que, je veux dire, à un moment donné, là, on reprenne le contrôle de toute notre liberté, puis de nos institutions par des gens qui n'ont vraiment pas notre bien à cœur. Donc, un autre article, c'est du New York Times. On dit que le Pentagone voit les menaces des muckrakers sur Internet. Alors, des muckrakers. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est des gens. Qu'est-ce que vous voulez, là? Ça fait. Vous avez la semaine passée le gros dossier là, de WikiLeaks qui a relâché cette vidéo d'un genre de massacre complètement débile là, en Irak. Et puis, ça a choqué la planète entière. Et vous savez, le Pentagone regarde ça comme étant une menace. Et puis, on voit vraiment WikiLeaks comme étant vraiment une menace à la sécurité des États-Unis. Okay? Donc, on voit WikiLeaks comme étant une source d'informations, de documents qui pourraient menacer les corporations et puis le gouvernement et qu'on voudrait normalement garder secret. Alors, voyez que le moment où des mots comme la vérité et puis la menace, des menaces deviennent des mots interchangeables, on peut comprendre qu'on est dans des temps vraiment très dangereux dans n'importe quelle république, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle démocratie. Et puis, qu'on est à peu près à ce moment-là dans les États-Unis. Donc, on est arrivé à un moment où on voit la vérité comme étant une menace. Alors, ça, c'est des signes. Je dirais des signes historiques très importants à repérer, okay? Des moments qui sont vraiment très, très, très importants. Vous avez la Nouvelle-Zélande qui a mis en marche son filtre d'Internet. Alors, vous avez le Department of Internal Affairs, le DIA, qui a rendu opérationnel son filtre, okay? Alors, ce qui arrive, c'est qu'on met en marche ces filtres-là, puis comme je vous disais, ben, on filtre différents sites Internet, on opère une certaine censure de différents sites qu'on trouve inappropriés. Ben là, évidemment, ça va entraîner un paquet de problèmes. Vous avez la Fed ici qui parle de donner de l'expansion à sa surveillance des sites d'Internet. Alors, vous voyez vraiment là, la NSA, le Pentagone, qui, en conjonction avec des compagnies comme AT&T, installe des gros routers qui font en sorte que tout le trafic d'Internet qui passe aux États-Unis est dévié vers la NSA, est analysé. C'est une grosse opération de surveillance là, qui est assez incroyable, je vais vous dire, qui est une grosse menace pour la vie privée, pour la liberté et pour la liberté d'expression. Alors, c'est vraiment une écoute électronique sans mandat, qui est vraiment illégale, qui contrevient à la Charte des droits et libertés, à la Constitution même des États-Unis. Et puis, vous avez l'administration Obama qui continue même à faire de plus en plus de surveillance électronique. Vous avez en Angleterre aussi une loi qui a été passée qui s'appelle The Internet Censorship and Disconnection Law. Okay? Donc, la loi sur la censure et puis la déconnexion. Alors, vous avez aussi là, différents efforts là-bas pour donner au gouvernement anglais des nouveaux pouvoirs pour contrôler l'accès à l'Internet. Okay? Donc, vous voyez le gouvernement qui se mêle de plus en plus de ces choses-là. Puis ça se passe en ce moment même. Okay? Donc, il n'y a rien vraiment là, d'hallucination là-dessus. Là, c'est en train de se passer en ce moment. Puis si on ne réagit pas, ben, on va probablement perdre de l'Internet. Alors, il est temps que vous, chers amants d'Internet, compreniez qu'on est réellement sous menace et puis c'est pas parce qu'on voit pas des soldats avec des vrais fusils dans la rue qu'on n'est pas vraiment sous attaque. On est sous attaque en ce moment. Ça, c'est très, très clair et puis on le voit clairement par ces différentes nouvelles qui viennent même des médias de masse. Alors, allez vérifier toutes ces nouvelles-là. Très important. Vous avez une autre opération aussi en Australie. Alors, on parle de censure aussi en Australie. Donc, on va avoir le gouvernement fédéral là-bas qui planifie d'introduire une filtration des systèmes d'Internet obligatoire qui devrait être mise en place d'ici 2011 et qui devrait amener une liste noire des sites bannis, bloqués, donc des sites Internet qui sont interdits. Alors le gouvernement, encore là, qui se mêle de vos droits et puis qui refuse à ses citoyens l'accès à de l'information seulement parce qu'ils l'aperçoivent comme étant non désiré. Alors, on est en train de mettre en place, d'instaurer une police de la pensée. Et ça se passe, boum, directement dans votre figure. Parlant de la police de la santé, puis tout, on va avoir un dossier la semaine prochaine assez important sur l'état policier. Alors, je n'aurai pas le temps d'en parler cette semaine, mais la semaine prochaine, on va en parler. Et puis, on va aussi avoir, j'en fais l'annonce présentement, là, un invité spécial sur l'émission. Alors, ça va être très important. On va avoir Jean-François Rangé qui va venir nous parler de la conférence qui va se tenir à Montréal le 3 mai et qui va réunir Richard Gage, des architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 911, et puis David Ray Griffin, qui va aussi arriver à Montréal et puis donner une conférence sur le 911. Alors, ne manquez pas ça. Et puis, on va faire tirer des billets, OK, pour assister à cette conférence. Alors, une gracieuseté là, de Jean-François qui va venir nous rejoindre en entrevue la semaine prochaine. Alors, ne manquez pas ça. Une superbe entrevue téléphonique à suivre. Et puis, comme je vous dis, là, un gros merci encore à Jean-François qui va faire tirer des billets. Alors, je vais vous donner les modalités de tout ça la semaine prochaine. Et puis, les gagnants pourront passer à la station, aller les chercher et puis assister à cette merveilleuse conférence. Alors, ne manquez pas ça. Un gros dossier sur le 911 la semaine prochaine. Et puis, on va aussi parler d'État policier. Alors, parenthèse faite. Donc, on continue. On dit ici dans un sondage que 4 personnes sur 5 croient que l'Internet, l'accès à l'Internet est un droit fondamental. Alors, ça vient d'un sondage qui a été fait sur plus de 27 000 personnes à travers 26 pays qui a été conduit pour la BBC World Service, a trouvé que 87% des usagers Internet sentaient, ressentaient, pensaient que l'accès à l'Internet devrait être un droit de base. Okay? Alors, on dit plus que 70% des non-utilisateurs d'Internet pensaient que les gens devraient avoir accès à l'Internet. On dit au Japon, au Mexique et en Russie, 75% des répondants disaient qu'ils ne pouvaient pas faire sans leur connexion Internet. On dit que 90% de ceux qui ont été interrogés en Turquie croyaient que l'accès à l'Internet était un droit fondamental de l'homme, en faisant ici le pays qui avait le plus grand support pour ce sentiment. Donc, très intéressant aussi de voir ça. Et puis, c'est une considération importante. L'accès à Internet devrait être un droit fondamental. Oui, peut-être ça devrait susciter quelques réflexions. Ensuite, on parle du recensement qui s'est passé aux États-Unis, qui pose certaines questions. Oui, pourquoi? Ben parce que dans certains sens, vous avez certaines choses qui vous sont demandées qui sont légales, c'est-à-dire que vous devez déclarer combien de personnes vivent. On doit savoir combien de personnes vivent aux 10 ans là, dans le pays. C'est très intéressant, savoir très important aussi. Puis l'âge et puis le sexe des occupants. Sauf qu'aux États-Unis, on conteste toutes les autres questions qui sont posées comme étant une invasion de la vie privée puis qui n'est pas protégée par la Constitution, c'est-à-dire que les questions supplémentaires ne sont pas protégées ni demandées par la Constitution. Alors, la Constitution n'autorise pas la divulgation de ces autres informations personnelles. Et un bon exemple de ça pour prouver comme quoi que ces données-là pourraient servir à des fins néfastes, et que c'est le bureau du recensement qui avait donné ces listes à l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que on avait rassembler des Américains japonais ou des Japonais américains qui vivaient aux États-Unis, qui avaient la nationalité américaine dans des camps de concentration, si vous voulez, des camps de prisonniers assez larges. Et puis, c'est avec ces listes du recensement qu'on avait pu déterminer où habitaient ces Japonais américains à travers les États-Unis, ce qui avait facilité grandement l'arrestation complètement illégale et débile de ces Japonais américains, seulement sous prétexte qu'on avait peur d'eux dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous avez des photos absolument troublantes à aller voir là, de qu'est-ce que ça avait l'air. On a vraiment aux États-Unis agi quasiment comme les nazis, là. On avait mis tous ces gens-là dans des grosses prisons géantes et puis dans des conditions assez atroces pour absolument aucune raison, là. Je veux dire, ces gens-là n'avaient rien commis de mal contre les États-Unis, puis supportaient même l'effort de guerre américain. Donc, comprenez là qu'à un moment donné, ces informations-là personnelles servent tout le temps, dans une certaine mesure, plus ou moins grave, à des fins néfastes. Et puis, c'est pour ça que, je veux dire, il faut tout le temps être très, très, très prudent quand on donne nos données personnelles à un gouvernement et puis leur en donner le moins possible. On a trouvé à travers ce recensement-là une des données du dernier recensement qui a surpris plusieurs personnes, et celle selon laquelle la population blanche non hispanique décline de façon constante aux États-Unis et qu'on prévoit que les Blancs perdront leur majorité vers 2043. Alors ça, c'était rapporté par la cyberpresse, donc un article à aller consulter. Vous avez des chiffres assez incroyables. On estime la population américaine le vendredi 9 avril 2010 à 309 033 553. Alors, aux États-Unis, on est officiellement 300 millions de personnes. Le pourcentage des Blancs non hispaniques en 2008 était de 65,6 %. Le pourcentage d'Hispaniques ou de Latinos en 2008 était de 15,4 %. Les pourcentages des Noirs en 2008 étaient de 12,8 %. Le pourcentage des Asiatiques était de 4,5 %. On dit que le revenu médian des foyers américains en 2008 était de 52 029 $. Le pourcentage d'Américains vivant sous le seuil de la pauvreté en 2008 était de 13,2 %. Alors, ça vient du bureau du recensement des États-Unis. Alors, des données quand même assez intéressantes. Alors, ensuite, on va faire une petite pause, après ça, on va se retrouver pour le reste des nouvelles de l'actualité. Donc, on va terminer avec les nouvelles là, rapidement de l'actualité. Ici, vous avez différents articles. L'un du Daily Mail là, qui parle d'une journée dans la vie d'une personne qui vit à Guantanamo, le fameux camp de torture des Américains sur l'île de Cuba. Nous avons des images absolument hallucinantes des personnes qui vivent là-bas, dans une des prisons les plus sombres des États-Unis. Des scènes qui sont très peu rassurantes et assez honteuses qui viennent de la guerre contre la guerre de la terreur aux États-Unis qui a fait en sorte qu'on a légalisé la torture. Et puis ça, c'est absolument hallucinant d'aller voir ces images-là. Donc, c'est important de voir comment que les choses se passent avec ces images-là. Comme je vous dis, de considérer la réalité de face. Hein? Donc, on pratique la torture dans le cadre de cette guerre contre le terrorisme qui vient du 9-1, d'où l'importance de tout le temps lutter, de faire en sorte, jusqu'à temps que ça soit bien fait, qu'on a compris que le 9-1 soit une inside job, et puis après ça, on mette en place les tribunaux nécessaires pour traîner en cour et puis faire justice sur les vrais perpétrateurs de ces attaques-là qui ont entraîné des guerres au Moyen-Orient très meurtrières, des génocides du Moyen-Orient, biocides aussi pour utilisation d'armes à uranium appauvri qui continuent à faire des ravages incroyables dans la région. Par sa radioactivité, et puis ensuite la torture qui a été érigée en système et puis légalisée aux États-Unis. Alors, allez voir ces articles-là. Les États-Unis, ici, possèdent aussi un certain prisonnier qui s'appelle Abu Zubaydah, qui est apparemment, selon les États-Unis, un leader de l'Al-Qaïda, qui a été un des premiers à être suspecté dans les attaques du 9-1, qui a été torturé avec du waterboarding et puis différentes tactiques. Et ça a été approuvé tout ça par la Maison-Blanche, qu'on a appelé des techniques d'interrogation avancées. Alors, on est en train de se rendre compte là qu'on a torturé ces personnes-là pour absolument aucune raison. Pourquoi? Parce que Zubeda n'a absolument rien fait. Et puis là, le gouvernement vient d'officiellement admettre qu'il n'y avait aucune preuve, qu'il y avait quelque rôle que ce soit ou quelques connaissances dans les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Alors, comprenez que on a arrêté et puis emprisonné et torturé pendant des années, des dizaines, c'est pas des centaines de personnes comme ça pour absolument aucune raison. Absolument aucune raison. Okay? Alors, même la Maison Blanche vient d'admettre qu'on a torturé cette personne-là pour absolument aucune raison. Qu'est-ce qui va arriver? Comment on va s'excuser? Si on va s'excuser, attendez-vous pas trop de rien là, de la part des États-Unis. Ça, c'était supposément un détenu qui était une des principales sources pour le rapport du 9-1. Alors, imaginez le rapport du 9-1 qui était basé sur des sources provenant de, apparemment, ce personnage-là qui, on se rend compte maintenant, n'avait absolument rien à voir dans le 9-1, a été torturé de façon répétitive et puis n'a jamais été impliqué dans le 9-1, n'a jamais été impliqué dans l'Al-Qaïda ou quoi que ce soit. Alors, cette personne-là a été waterboardé. Alors, c'est quoi le waterboarding? C'est la torture à l'eau. Alors, j'en ai souvent parlé ici sur l'émission. J'espère que vous savez c'est quoi le waterboarding. On met une personne sur une planche inclinée, la tête par en bas, puis on verse de l'eau dans sa bouche, et puis la personne a une sensation de mourir noyée. Okay? Donc, une affaire absolument incroyable qu'on utilisait même dans les temps du Moyen Âge. Là, okay? Là, une vieille forme de torture. Là, ça fait longtemps qu'on utilise ça. Et puis, écoutez, là, ce gars-là a été torturé 83 fois pour se rendre compte qu'il n'avait absolument rien fait. C'est incroyable. Vous avez ce gouvernement-là qui a attrapé cette personne qui était schizophrénique, l'a torturé dans des confessions qui ont formé le cœur de la version officielle sur le 9-1. Okay? Après ça, le gouvernement américain se demande pourquoi il y a 100 millions d'Américains qui ne font pas confiance à la version officielle. Oui, 100 millions d'Américains, donc le tiers des Américains qui ne croient pas, absolument pas, la version officielle des Américains. Alors, on va en parler de cette version-là officielle la semaine prochaine aussi. Là aussi, on est en train de se demander si il y a Syed Fahad Hashmi, qui a aussi été torturé, qui a été gardé dans des prisons d'isolation 24 heures sur 24, sous surveillance audio et caméra. Qui est forcé de se laver dans une salle de bain où c'est qu'on le filme 24 heures sur 24, OK? Donc, vous avez toutes ces personnes-là qui étaient torturées, traitées de façon complètement inhumaine. La personne n'a pas vu le soleil depuis des années, OK? N'a pas vu la lumière du jour depuis des années. Il prend ses repas tout seul dans sa cellule. Il ne peut pas voir aucune autre personne dans une isolation complète, aucune communication avec aucun autre prisonnier ni le monde extérieur. Il ne peut pas écrire des lettres à ses amis. Il ne peut pas appeler personne sauf son avocat. Il lui est interdit de participer dans des prières de groupe. Et puis, il reçoit des journaux qui sont datés de 30 jours avec des différentes sections coupées par le gouvernement. Alors, vous avez là des conditions absolument incroyables. Et puis qui sont imposés à des personnes comme ça. Et puis là, on se demande même si on ne va pas les juger dans des tribunaux militaires. Alors, on ne va même pas leur donner accès à des tribunaux civil. Alors, complètement débile, complètement débile. Vous avez deux excellents articles à aller trouver, un sur mondialisation.ca et puis l'autre sur Global Research de Michel Chosnovsky, puis l'autre de Éric Toussaint, où on parle du Rwanda. Alors, d'autres vérités troublantes qui sont en train d'émerger. Et puis, celui d'Éric Toussaint parle des créanciers du génocide. Alors, on parle des politiques qui ont été mises en œuvre par des institutions financières multilatérales. Monsieur Toussaint dit qu'il est fondamental de s'interroger sur le rôle des bailleurs de fonds internationaux et que sa thèse, c'est que les politiques imposées par les institutions financières internationales, principaux bailleurs de fonds du régime dictatorial général Juvénal Habyarimana, ont accéléré le processus conduisant au génocide. Alors, on dit dans son article qu'il y a eu utilisation des prêts internationaux pour préparer le génocide, pour acheter des armes sous le nez même des créanciers, des bailleurs de fonds internationaux. Que quelques semaines avant le déclenchement de l'offensive du Fonds patriotique rwandais en octobre 1990, les autorités rwandaises signaient avec le FMI et la Banque mondiale à Washington un accord pour mettre en œuvre un programme d'ajustement structurel. Okay, donc, on dit que ce programme d'ajustement structurel a été mis en application en novembre 1990. Le franc rwandais a été dévalué de 67 % et on dit qu'en contrepartie, le FMI a donné des crédits en devises de décaissement rapide pour permettre au pays de maintenir le flux des importations. Les sommes ainsi prêtées permettent d'équilibrer la balance des paiements, dit-on, mais le prix des prix importés augmente de manière vertigineuse. Le prix de l'essence a grimpé de 79 %. Le produit de la vente sur le marché national des biens importés permettait à l'État de payer les soldes des militaires dont les effectifs montent en flèche. On disait que les ajustements structurels prévoyaient une diminution des dépenses publiques. Il y a bien eu gel des salaires et puis des licenciements de la fonction publique, mais avec le transfert d'une partie des dépenses au profit de l'armée. Alors, ça, c'est assez incroyable. On apprend un paquet d'informations assez explosives là-dedans. Qui montre que les fonds qui ont été fournis par le FMI puis la Banque mondiale ont été utilisés à couvrir l'achat massif des armes qui ont servi au génocide. Alors, très importante, on dit que les dépenses militaires avaient triplé en 1990 et 1992 et que la Banque mondiale et le FMI avaient envoyé plusieurs missions d'experts pendant cette période et puis ces derniers ont souligné certains aspects positifs de la politique d'austérité appliquée par Habyarimana, mais on est néanmoins menacé de suspendre les paiements si les dépenses militaires continuent à croître. Sauf que les autorités rwandaises ont alors mis au point des artifices pour dissimuler les dépenses militaires. Alors, on avait passé des camions achetés pour l'armée qui ont été imputés au budget du ministère des Transports. Une partie importante de l'essence utilisée pour les véhicules des milices et de l'armée est imputée au ministère de la Santé. Et finalement, la Banque mondiale et l'FMI ont fermé le robinet de l'aide financière en début 1993, mais elles n'ont pas dénoncé l'existence des comptes bancaires que les autorités rwandaises détenaient à l'étranger auprès des grandes banques et sur lesquelles des sommes importantes restaient disponibles pour l'achat d'armes. On peut considérer qu'elles ont failli à leur devoir de contrôle sur l'utilisation des sommes prêtées. Elles auraient dû stopper leurs prêts dès le début 1992, quand elles se sont rendues compte que l'argent était utilisé pour l'achat des armes. Okay? Alors, on parle des créanciers ici du génocide. Les principaux fournisseurs d'armes du Rwanda entre 90 et 94 sont la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la République populaire de Chine. On dit que cette dernière a fourni 500 000 machettes. L'Égypte, dont le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des relations avec l'Afrique n'était autre que Boutros Ghali, a offert au Rwanda un crédit sans intérêt pour lui permettre d'acheter des armes d'infanterie pour un montant de 6 millions de dollars en 91. Imaginez donc. En 94, la dette extérieure totale du Rwanda s'élevait à près de 2 milliards de dollars. Cette dette avait été entièrement contractée par le régime d'Habyarimana. 5 ans plus tard, elle avait augmenté d'environ 30 % et le Rwanda remboursait 31 millions de dollars. Imaginez. Alors, la dette contractée avant 1994 rentre pleinement dans les définitions de dette odieuse. En conséquence, le nouveau régime aurait dû être totalement exonéré. Les créanciers multilatéraux et bilatéraux savaient parfaitement à qui ils avaient affaire et quand ils prêtaient au régime d'Habyarimana. Alors, dans le changement du régime, ils n'avaient pas le droit de reporter leurs exigences sur le nouveau Rwanda. Et pourtant, ils l'ont fait sans vergogne. C'est absolument scandaleux, dit cet auteur. On dit que les autorités rwandaises qui ont pris le pouvoir en 1994 ont tenté de convaincre la Banque mondiale et le FMI de renoncer à leurs créances. Ces deux institutions ont refusé et ont menacé de fermer le robinet du crédit si Kigali s'entêtait. Elles ont demandé à Kigali de faire silence sur l'affaire qu'elles ont rapportée au régime d'Habyarimana en échange de nouveaux prêts et d'une promesse d'annulation future de dettes dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés lancée en 1996. Les conséquences sont néfastes. Poursuite de l'ajustement structurel dont les conséquences économiques et sociales sont désastreuses et accroissement de la dette extérieure. En faisant cela, les autorités de Kigali ont obtenu le statut de bon élève du FMI, de la Banque mondiale et du Club de Paris. Pire, en participant à l'occupation militaire d'une partie du territoire voisin, la République démocratique du Congo, à partir de d'août 1998, et en participant au pillage des ressources naturelles, le régime rwandais s'est fait le complice des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans la région. Ces deux pays cherchent activement un affaiblissement de la RDC, République démocratique du Congo. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de ressources minières et pétrolières aussi à mettre sur la main, et puis la déstabilisation de ces pays-là sert énormément les pouvoirs occidentaux anglo-saxons. Tout ça est à voir en tête. Et puis, allez aussi consulter l'article en anglais de Michel Tchovski, qui est absolument important, et puis qui met en lumière plusieurs enjeux très importants de ce qui s'est passé là-bas, avec le rôle de différents groupes paramilitaires et militaires qui ont été financés par différents pays de l'Occident. Vous avez aussi Paul Mugabe, qui était un ancien membre du haut commandement général du Congo, qui était très supporté par les Américains. Alors, allez voir ça, c'est absolument gênant là, ce qui s'est passé là-bas. Puis, on est en train de voir les vraies causes du génocide qui s'est passé dans ce pays-là. Okay? Donc, vous avez différentes politiques néocoloniales des États-Unis de s'installer en Afrique centrale et puis. Toutes ces déstabilisations-là, même aussi en Somalie, qui est un autre front caché, une nouvelle guerre cachée, qui est hors des radars des grands médias, qui est en train de se passer live, ont tout rapport avec l'appropriation des ressources naturelles du continent africain. OK, donc ça, c'est très important à suivre. Et puis, vous avez ici le premier ministre Vladimir Poutine qui a visité le Venezuela et puis qui a signé des accords de défense et puis pétrolier avec le Venezuela. Alors, des accords qui vont faire en sorte qu'on va partager des firmes et puis des développements de projets pétroliers et puis militaires de 20 milliards de dollars. Alors, très, très, très important. On voit ici que le département américain des États-Unis devrait prendre note que la Russie et la Chine font des ententes commerciales avec d'autres pays. Okay, pour s'assurer de faire en sorte que leur stabilité énergétique soit assurée, alors que les États-Unis, eux, mènent des guerres à travers le monde pour faire la même chose comme en Irak et en Afghanistan et puis dans d'autres pays comme en Somalie. Alors, on devrait peut-être prendre note des techniques un peu plus sensées et humaines et puis normales d'assurer ces accords et puis ces intérêts mutuels. Okay? Et puis, les déploiements dans les pays africains ne sont pas étrangers à ça. Puis, le génocide au Rwanda n'est pas étranger à ça. Vous avez même l'administration Obama qui a demandé une appropriation de 38 millions de dollars pour financer des programmes militaires étrangers en Afrique, dans les pays africains. Okay? Donc, on essaie d'instaurer maintenant sa mainmise sur le continent africain de la part des États-Unis. On va terminer avec les nouvelles internationales, avec le fameux scandale de l'Église catholique et puis des abus sexuels. Vous avez un juge des Nations Unies avec une stature assez importante, j'ai nommé Jeffrey Robertson, qui a déclaré cette semaine qu'on devrait traîner en cour le pape Bénédicte. Alors, ça a été rapporté aussi par une pièce du journal important anglais The Guardian, qui cette semaine a parlé de différentes critiques contre le pape qui essaye de se mettre au-dessus de la loi. Et on dit de la part de cet avocat des droits humains des Nations unies que le pape devrait sentir aussi le plein poids de la loi internationale dans le scandale de la pédophilie qui a été perpétré par des milliers de prêtres à travers le monde. Okay? Donc, ça ne va sûrement pas se passer, sauf que c'est une bonne chose qu'une personne avec la stature de Robertson, que ça soit mis dans les médias et puis qu'on en fasse le point. Okay? Donc, il n'y a personne qui est à l'abri de la loi, surtout dans des cas de pédophilie. Alors, très important. On dit ici, Richard Dawkins, dans un autre article, planifie d'arrêter le pape pour ses crimes contre l'humanité parce que le pape se dirige vers la Grande-Bretagne. Alors, on dit qu'on devrait l'arrêter pour des crimes contre l'humanité. Le Vatican, après ça, s'est retourné de bord et puis a déclaré avec véhémence que la campagne qui est en train de tomber sur le dos du Vatican, alors cette campagne pour faire cesser puis traîner en cour le Vatican pour les abus sexuels, de pédophilie, On dit de la part du Vatican que c'est une campagne de haine. Alors, vous savez, là, on est en train de se défendre de toutes les manières imaginables. C'est incroyable. Je veux dire, on utilise tous les prétextes les plus bas. Et puis là, on dit que oh mon Dieu, on dit que toute la critique contre le Vatican pour la pédophilie, puis tout, est une campagne de haine. Alors, voyez, là, c'est incroyable. On est en train de nous dire, là, que nous sommes tous des pécheurs et puis des gens remplis de haine pour avoir de l'objection avec le fait que des petits gars peuvent être molestés par des prêtres. Alors, oui, on voit ici la moralité de l'Église catholique qui est en train de sacrer le camp. On a même ici un rapport où on montre que l'Église a déclaré qu'elle était victime d'attaques des sionistes. Alors, absolument incroyable. Je veux dire, complètement pathétique. Là, maintenant, on accuse les sionistes d'être derrière ça. Vous avez le Vatican qui essaie aussi de bien paraître et puis d'avoir l'air cool en disant que là, le Vatican a décidé de pardonner les Beatles et puis John Lennon pour ses remarques sur Jésus. Alors, voilà des tentatives désespérées d'avoir l'air cool, OK, de la part du pape, Monsieur Benny. Alors, incroyable, incroyable. Donc, voilà, ça va être assez pour l'actualité. On va terminer avec le dossier du Kirghizistan parce que ça brasse pas mal là-bas. Vous avez une série d'articles importants à aller voir que je vous invite à aller consulter sur les nouvelles internationales. Pourquoi c'est important ce qui se passe au Kirghizistan? Ben, parce que vous avez une base américaine à Manas, une ville qui se retrouve à l'intérieur du Kirghizistan, qui fait frontière avec le nord de l'Afghanistan et puis la Russie au nord, la Chine qui se trouve à l'est, et puis vous savez, là, c'est une base importante américaine où transigent des centaines de milliers de troupes américaines vers l'Afghanistan. On parle, selon les articles ici, jusqu'à 500 000 Américains qui transigent à travers cette base-là, et puis c'est une des routes d'approvisionnement très importantes pour les forces américaines en Afghanistan. Et ce qui se passe, c'est que le dernier président qui se trouve à être quasiment un mini-dictateur, qui est en train de faire silence sur les médias et puis était très répressif, était supporté activement par Washington. Et puis même cet ancien président-là qui vient d'être renversé a voulu fermer la base à Manas et puis les États-Unis avaient insisté et avaient payé le Kirghizistan 60 millions de dollars pour garder ouverte cette base militaire vitale pour l'armée américaine. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le peuple en a eu marre de cette mini-tyrannie qui était supportée par les États-Unis, et puis ont rejeté ce truc-là, et puis on a mis en place un nouveau gouvernement cette semaine, et puis la Russie, évidemment, était très contente de ça. Et la grande question était de savoir qu'est-ce qui était pour arriver avec cette base américaine qui se trouve dans le pays, qui, évidemment, ne fait pas l'affaire des habitants, de la population du Kirghizistan. Alors, ça, c'est tout un dossier à savoir. Apparemment que là, selon les dernières nouvelles, les autorités de remplacement temporaire ont permis à ce que la base soit utilisée. Alors, on avait interrompu l'utilisation de la base américaine depuis le début du soulèvement populaire. Mais là, apparemment que les activités ont repris. Alors, ça, c'est tout un dossier à suivre de très près. Vous avez aussi des articles là, sur Global Research. Donc, allez voir ça. Vous allez comprendre là, que c'est une place très importante. Ici, dans l'article, on parle de 420 000 troupes américaines qui passent à travers de cette base-là de façon annuelle. C'est une place très importante et qui fait frontière avec la Chine, le Kazakhstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, et qui est séparée de la Russie seulement que par le Kazakhstan. Alors, elle est très, très proche aussi de la Russie. C'est vraiment dans la cour de la Russie puis de la Chine. Alors qu'on a des centaines de milliers de troupes américaines et puis des troupes de l'OTAN qui passent à travers le Kirghizistan. Alors imaginez comment ça se passerait si on avait des quantités comparables de Chinois puis de Russes, de soldats russes et chinois qui passaient régulièrement à travers le Mexique ou le Guatemala. Hein? Donc, vous comprenez là que ça serait absolument incroyable. Les États-Unis hallucineraient bien raide. Imaginez que vous aviez des soldats russes et chinois qui passent par centaines de milliers à travers le Mexique, le Guatemala ou même, mettons, l'Alberta depuis à peu près 9 ans et puis avec des taux accélérants d'année en année. Okay? Donc, évidemment que les États-Unis paniqueraient bien raide, sauf que quand on fait ça dans la cour de la Chine puis de la Russie, ça semble être acceptable pour l'OTAN et puis les États-Unis. Alors, ça, c'est très, très, très important à les voir. Plusieurs articles qui vont vous dire pourquoi que c'est très important de considérer ce qui va se passer là par rapport au fait que c'est une des routes principales d'approvisionnement des troupes américaines en Afghanistan. Alors, ça va être un très, très chaud dossier à suivre. Vous avez une base russe qui est à environ 60 km de la base américaine. Alors, vous avez toutes sortes de conflits qui pourraient arriver. Donc, espérons que des têtes froides vont prévaloir dans tous ces centres de pouvoir-là. Alors, on va faire une autre petite pause musicale et puis on se retrouve après la pause pour le dossier du réchauffement climatique. Alors, soyez-vous bien, attachez-vous avec une bonne ceinture et puis attachez votre sucre avec de la broche, comme on dit. Et puis, restez à l'écoute, on va dévaster le culte du réchauffement climatique. Et avant qu'on parte dans le climat, on va d'abord apporter votre attention sur un article que j'ai écrit cette semaine sur les 7 du Québec qui est fort à propos, que j'ai nommé « Mais où diable est passé ce H1N1 à la con? » Alors, c'est bel et bien le titre que j'ai donné. Oui, très osé. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun bon sens de voir comment qu'on nous a cassé les oreilles pendant plusieurs mois, qu'on a dit que c'était pour être la catastrophe des millions de morts à travers la planète. On nous avait distribué des sacs à mort et puis on nous avait fait du chantage sentimental et émotif que si on ne se faisait pas vacciner, on mettait les autres en danger. Puis faites-le pour l'amour de votre prochain. Et puis écoutez, on en a beurré pas mal épais, tellement que ça a fini par nous coûter au pas mot 146 millions de dollars et c'est juste au Québec. Les chiffres montrent que ça pourrait même aller jusqu'à au-dessus de 200 millions de dollars. Alors, maintenant, on est dans le rouge. Ici, au Québec, on n'arrête pas de nous dire que la province est dans les dettes et puis qu'il va falloir couper, couper, couper, couper et taxer, taxer, taxer, taxer tout le monde. Alors, on nous dit que c'est la grosse catastrophe et puis on a de l'argent comme ça à lancer par les fenêtres, OK? Donc, on nous a monté une crise, une campagne de peur absolument hallucinante, une hystérie sociale. Et pourquoi? Ben pour rien. Où c'est qui est passé ce H1N1-là? Où est-il passé? Hein? On dirait que le Père Noël est arrivé le 25 décembre et puis avec un tour de magie comme lui seul sait le faire, il nous a fait un tour de magie et puis zap! Le virus du H1N1 est disparu de la face de la planète et puis non seulement physiquement sur le terrain, mais aussi disparu des médias, même de la bouche des autorités, de la santé, de nos ministres et présidents. Alors, zap, oui, le H1N1 est disparu du jour au lendemain comme une ombre dans la nuit. Aussi vite qu'il est arrivé, il est disparu. Très spécial. Alors, allez lire cet article-là. Et puis, il est temps qu'on commence à faire une enquête très importante, indépendante et publique là-dessus. Vous savez, même en France, où il y a eu seulement 7% de la population qui a décidé de se faire vacciner contre le H1N1, pratiquement rien s'est passé. Il n'y a pas eu de mortalité très, très élevée. On parle de 17 000 personnes qui en seraient décédées sur la planète entière, ce qui est 10 fois moins que la grippe saisonnière normale, 10 fois moins. La grippe saisonnière peut aisément tuer un quart de million d'individus par année. OK? Alors, ça reste que, premièrement, nous avons été terrorisés par des campagnes de peur par les autorités, les compagnies pharmaceutiques, pour un virus qui était 10 fois moins dangereux que la grippe saisonnière normale et que, deuxièmement, nous avons gaspillé des centaines de millions de dollars pour des vaccins complètement inutiles et potentiellement nocifs. Où sont passés ceux qui nous poussaient à se faire vacciner, qui nous traitaient de tous les noms pour refuser de le faire? Alors, on a des détracteurs silencieux, des ministres de la Santé qui sont complètement disparus. Il n'y a personne qui veut assumer ce qui s'est passé là. Et puis, on s'est fait remplir d'une campagne de peur et de terreur contre la population. Et on a dépensé des millions de dollars. Si vous allez voir les chiffres d'affaires des compagnies pharmaceutiques cette année, ils ont doublé. Alors, on parle de des hausses absolument faramineuses. De l'ordre de milliards de dollars, OK? Donc, vous savez, là, à un moment donné, là, si on est pour se faire épeurer de même et puis se faire manipuler, eh bien, on devrait peut-être rendre certains comptes et puis tenir certaines personnes responsables pour ces fausses campagnes de terrorisation de la population à l'échelle globale. Un des plus grands scams, une des plus grandes fraudes qu'on ait connues. Et puis, là, dans l'article, vous allez aussi retrouver un paquet de commentaires qui avaient été laissés sur un des articles les plus populaires que j'ai écrit, qui s'appelle « Front commun contre les vaccins H1N1 ». Et puis, il y en avait là-dedans qui nous traitaient de tous les noms. Et puis, aller retourner les voir, ces commentaires-là, les lire, et puis vous rendre compte, comparer avec la réalité d'aujourd'hui, au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe et qui était complètement dans le tort et puis qui est en train de créer une peur sociale incroyable. Alors, voilà, ça, c'est une chose. Et puis, d'un autre côté, ben, on parlait justement de fraude incroyable. Ben, en voilà une autre fraude totale, une fraude absolument scandaleuse. Où on a essayé d'associer le réchauffement climatique avec l'activité humaine, la production de CO2, qui est une fraude complète. Je veux dire, si vous allez voir les carottes de glace qu'on fait en Antarctique, on a trouvé de façon indéniable que le CO2 augmente en moyenne de 800 ans à 1200 ans après un réchauffement climatique et non avant. Alors, les hausses de taux de CO2 dans l'atmosphère sont une conséquence d'un réchauffement climatique au lieu d'en être la cause. Ça, c'est les carottes glaciaires qui nous le disent, les strates géologiques et toutes les études qui tendent à sortir pointent dans cette direction. Alors, ça, c'est une des très énormes fraudes dont on n'arrête pas, dont on ne parle pas assez. Et puis qui est scientifiquement prouvé. Maintenant, écoutez, j'ai ici une requête pour cette section du réchauffement climatique, et puis je vais le faire. Pourquoi? Parce que c'est mon collaborateur Stéphane Poutoir qui, de la France, nous aide ici à l'Autre Monde à mettre l'émission sur le canal de YouTube. Alors, vous allez retrouver toutes les émissions qui sont découpées par section. Et puis, c'est grâce au travail acharné et assidu de Stéphane Poutoir que cela est rendu possible. Alors, je tiens à te remercier, mon cher Stéphane. Et puis, ta dédicace, eh bien, la voici. Alors, je dédie cette série, et puis, au nom de Stéphane aussi, à une dame qui s'appelle Nathalie, et puis qui est étudiante en environnement et actuellement en stage aux ateliers du tramway T2 à Paris. Alors, Stéphane nous dit qu'elle défend la version officielle sans bien entendu avoir jamais entendu parler des points précis qui mettent en évidence l'arnaque. Alors, écoute, Nathalie, puis chers auditeurs, j'en ai ici au-dessus de 100 pages, okay, juste de titres d'articles importants à les lire, qui sont issus autant des médias de masse que des agences importantes comme la NASA et puis d'autres instituts météorologiques. Et vous savez, là, la situation regarde vraiment pas bien, puis vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer à en énumérer ici. Et je vous invite évidemment, comme je vous dis, à aller voir sur mon site personnel Les Nouvelles Internationales, où vous allez retrouver tous ces articles-là en lien pour les consulter vous-même. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont en anglais, mais vous entrez le texte dans un traducteur du moteur Google, par exemple, et vous en avez d'autres sortes aussi, là, obligé d'utiliser eux autres. Vous pouvez faire transférer, là, traduire le texte là, en français avec une précision quand même assez acceptable là, pour comprendre là, de quoi il s'agit. Alors, ne vous laissez pas arrêter là, parce que les articles sont en anglais, vous ne comprenez pas l'anglais. Il y a des traducteurs très efficaces sur Internet qui sont disponibles. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, en premier, ici, on a un article du New York Times qui parle de la France, justement, qui abandonne son plan pour taxer le carbone. Donc, ça, c'est un article qui est intéressant à aller voir. Vous avez les compagnies qui ont réussi à faire plier le projet important que le président Nicolas Sarkozy défendait. Et puis, ont réalisé que finalement, les compagnies françaises auraient été mises en désavantage avec les autres pays autour qui ne pratiquent pas la taxe. Alors, évidemment que ça leur a fait augmenter le prix de leurs produits, puis de leurs choses, de leurs services, hein. Donc, ça, c'est une nouvelle importante dans le sens que de plus en plus de pays commencent à se virer de bord et puis à se rendre compte qu'une taxe sur le CO2 est non seulement ridicule, mais ferait très mal à l'économie. Alors, il y en a qui vont dire évidemment que, ben, attendez, là, on est en train de faire mal à l'environnement. Donc, oui, je vous dis d'ores et déjà, avant d'aller plus loin, que ce n'est pas parce que on se rend compte que le CO2 ne cause pas le réchauffement climatique et puis que ce n'est pas la source du problème, si c'est un problème, en fait, parce que les réchauffements et refroidissements climatiques sont cycliques depuis les tout débuts de la planète Terre, okay? Donc, ce sont des changements qui sont majoritairement naturels, okay? Et puis, vous devez vous rendre compte que on a déjà connu des époques beaucoup plus chaudes et puis avec des taux de CO2 dans l'air de 7 à 8 fois plus concentrés qu'aujourd'hui, okay? Donc, il n'y a rien de spécial à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut savoir séparer deux choses qu'on essaie souvent de confondre, et puis c'est le fait de ne pas être d'accord avec la théorie selon laquelle le CO2 cause des réchauffements climatiques et puis qu'on va vivre une catastrophe absolument hallucinante dans les prochaines années et le fait qu'on pollue énormément. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que parce que là, je vais vous dire un paquet d'informations qui vont montrer que toute cette affaire du réchauffement climatique est une grosse arnaque, que ça veut dire que là, ça nous permet de polluer encore plus. Alors, il n'y en a pas question. Et puis, bien souvent, même ce que j'essaie de dire, c'est que en réalité, ça fait même des décennies qu'on aurait été censé avoir quitté le pétrole, ne plus avoir besoin d'utiliser le pétrole. On a amplement de technologies qui sont connues, qu'on a déjà même développées et qui nous permettraient de faire sans le pétrole, de faire avec des énergies qui sont complètement libres et gratuites. Et puis c'est justement là le problème, c'est que c'est des énergies qui sont libres et gratuites. Alors, il n'y a aucun cartel de l'énergie qui peut mettre la main dessus et puis vous la vendre. Alors, ça ne fait pas l'affaire des grands industriels et puis surtout pas des grands puissants géants de l'énergie, autant de l'énergie nucléaire que pétrolière. Okay? Donc, vous devez comprendre là qu'il y a des cartels des intérêts économiques énormes. Okay? Nikola Tesla, si vous ne le connaissez pas, c'est un des génies les plus importants de l'histoire de l'humanité, là. Je veux dire, c'est celui qui fait en sorte qu'on ait l'électricité aujourd'hui, qui a inventé le DC, qui a inventé comment propager l'électricité, même qu'il avait trouvé comment la propager à travers les airs sans fil, OK? Était capable de produire l'électricité avec l'énergie ambiante de la planète. Alors, quand JP Morgan, qui le finançait, avait découvert ça, ben on l'a ruiné et puis on a tout mis ses plans dans un coffre-fort. Et puis depuis 100 ans, parce que cette personne-là a vécu il y a plus de 100 ans, eh bien, depuis ce temps-là, on est obligé d'utiliser des énergies qui sont contrôlables par des gros cartels. Okay? Donc, des solutions, on en a. Ça fait même 100 ans qu'on les a, sauf qu'on ne vous les laisse pas les utiliser. Après ça, on vous rend coupable. Okay? C'est un peu comme le cas de GM aux États-Unis, qui avait produit une voiture électrique il y a environ 20 ans. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait mis quelques de ces voitures sur le marché, puis qu'on s'est aperçu que la business n'était pas bonne, que ça rapportait pas assez d'argent. Eh bien, GM les a retirés du marché, puis les a toutes réduites à néant. OK? On les a broyées, et puis on les a fait disparaître de la circulation. Mais après ça, on vous fait sentir coupable, par exemple, d'utiliser du pétrole dans votre voiture. Donc, vous comprenez à un moment donné que les solutions pour arrêter de polluer, on en a, sauf que c'est une mauvaise volonté de ces cartels qui contrôlent et puis les marchés financiers. Pourquoi je dis marché financier? Parce que ceux qui vous poussent la théorie du réchauffement climatique, ce sont ces mêmes-là, comme Al Gore, Maurice Strong et toute la grande compagnie des hedge funds, alors des fonds de couverture qui ont entraîné la grande crise économique qu'on connaît actuellement, qui veulent créer une nouvelle bulle, en créant un nouveau marché des fonds de couverture, alors les hedge funds, comme on appelle en anglais, et puis utiliser les marchés de CO2 pour créer une nouvelle bulle financière. Et puis, ce qui arrive, c'est que ces personnes-là qui vous font peur avec le réchauffement climatique, comme Al Gore, ont investi plusieurs centaines de millions de dollars dans des compagnies qui se tiennent à profiter des taxes et puis des frais sur le carbone. Alors, vous comprenez qu'il y a un conflit d'intérêts de l'ordre de centaines de millions de dollars avec plusieurs de ces personnages. Donc, ça, c'est très important à avoir en tête, OK? Il faut séparer les deux entre pollution et puis l'histoire de la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme. Donc, ici, on a un autre article qui parle des sondages qui ont été faits par Gallup, une des grandes agences de sondage ici en Amérique, et puis qui a mesuré que les attitudes des Américains envers l'environnement ont montré que les gens sont de moins en moins inquiets avec la menace du réchauffement climatique depuis quelques années. En 2009, vous aviez 41% des Américains qui pensaient que le réchauffement climatique n'était pas important, que n'était pas une menace importante. Et puis en 2010, eh bien là, vous avez 48% des Américains qui croient que l'importance du réchauffement climatique est généralement exagérée. Alors, vous voyez qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte au fur et à mesure que les années avancent, que les informations sortent, qu'on a beaucoup exagéré ce dossier-là au bas mot. Et sinon, carrément manipuler la science pour la faire parler ou la faire dire ce que ces gens-là voulaient. Alors, vous savez aussi le grand scandale de Climate Gate avec l'université de East Anglia où on a découvert que les scientifiques manipulaient les chiffres, OK? Donc, on les filtrait et puis on a fait apparaître un refroidissement climatique comme étant un réchauffement. Alors, vous avez même l'ancien chef de la section de l'université de East Anglia qui est l'agence climatique qui fournit la majorité des données au GIEC. Alors, c'est très important au niveau du lien entre le GIEC, les prédictions catastrophiques qu'on nous a faites, et puis les fausses données, les données qui ont été trafiquées. Alors, même le chef de l'Université de East Anglia a avoué, Phil Jones a avoué que finalement, de ces dernières années, on n'a pas connu de réchauffement climatique, mais bel et bien un refroidissement léger planétaire. Okay? Donc, ça, c'est très important à avoir en tête. Et ensuite, une nouvelle assez loufoque ici qui a été publiée dans le Financial Times. Alors, vous voyez que ça vient quand même de des journaux là, avec normalement là, une bonne stature, et où on apprend ici qu'un couple américain, les Wilson, ont été le premier à transiger. Des crédits du carbone. Okay? Alors, ces gens-là ont décidé d'être très verts. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont jeté aux poubelles le lit chauffant de leur fils. Ils ont décidé de fermer les ordinateurs et les télévisions qu'elles n'étaient pas en utilisation, de changer les bulbes pour d'autres bulbes qui sont plus efficaces en conservation d'énergie. Et puis, ils ont décidé de faire sécher leur linge dehors. Et puis, ils ont décidé d'investir 58 000 $ américains dans des panneaux solaires, okay, pour essayer de réduire leur facture d'électricité à zéro. Alors, ces gens-là ont réussi à, comme ça, à économiser une tonne métrique de carbone, de CO2. Et puis, ils sont allés sur myemissionsexchange.com, okay, pour aller échanger leur tonne de carbone, pour essayer de la vendre à une compagnie. Alors, vous avez une compagnie qui s'appelle Molten Metal Equipment Innovations en Ohio qui a acheté leur tonne de carbone, leur crédit, et puis ils l'ont vendu pour combien? Là, vous vous rappelez ce que je viens d'énumérer, là, tous les changements qu'ils ont fait dans la maison, investir 58 000 $ des panneaux solaires, donc des investissements majeurs, changer leur vie au complet. Et puis, combien que ça leur a donné pour vendre une tonne de carbone? Ça leur a donné 21 $ 50. Et puis la compagnie qui a transigé le mètre cube de carbone sur le marché s'est pris une commission de 20 %. Imaginez comment que c'est débile. Alors, voilà tout le résultat de vos efforts. C'est ça que ça va se résumer. Alors, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez ensuite Obama qui, ici dans cet article qui a été publié par Canada Free Press, on apprend qu'Obama va écraser l'économie avec des taxes massives contre le CO2 très bientôt. Alors, on est en train de faire passer ce projet de loi à travers le Congrès. Alors, on est en train même de le forcer à travers le Congrès, sans l'approbation des Américains, okay, qui, eux, vont devoir débourser des milliers de dollars de plus par famille. Et puis, la EPA aux États-Unis est en processus de déclarer le CO2 comme étant un gaz dangereux pour le réchauffement climatique. Alors que, comme je vous disais, on a de preuves géologiques et puis météorologiques et des carottes glaciaires. On sait que le CO2 arrive 800 à 1200 ans après un réchauffement climatique. Mais on va vous taxer pour ce CO2-là. Le CO2 qui n'est pas un gaz dangereux, mais est un bloc essentiel de construction de la vie. Okay? Sans CO2, on n'a pas d'arbres qui grandissent, on n'a pas de plantes. Et puis, sans les plantes et les arbres, on n'a pas d'oxygène. Okay? Donc, vous devez comprendre là, que le CO2, là, ce n'est pas un gaz polluant. Okay? C'est un gaz même dont on a besoin. Et puis, si on a plus de CO2, bien, vous allez en avoir plus qui vont être absorbés par les plantes, vont grandir plus rapidement. Ça veut dire des cultures plus en santé. Des cultures plus en santé, plus d'oxygène, plus d'animaux, plus la santé va aller bien sur la planète. Alors, en réalité, là, on est en train de vous laver le cerveau avec une histoire complètement débile, comme quoi que le CO2 serait un gaz dangereux qui créerait l'effet de serre. Et puis, vous avez des études très sérieuses et vous devriez se rendre compte à l'échelle planétaire que finalement, ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire qu'il était pour avoir des poches de CO2 qui était pour s'accumuler en haute atmosphère et puis créer un effet de serre incroyable, ne fonctionne pas comme ça. Alors, il ne s'est pas créé de haute poche de CO2 dans la haute atmosphère. Et puis, on s'est rendu compte même que les océans absorbaient beaucoup de ce CO2-là, puis que la nature équilibrait tout. Alors, vous avez beaucoup de désinformation. Et puis, ce qui arrive bien souvent dans le dossier du réchauffement climatique, c'est que les gens ont pris ça tellement à cœur parce qu'on défend la planète, on a l'impression vraiment de faire de quoi de bon. Et puis, c'est comme ça qu'on vous manipule, c'est comme ça qu'on joue avec vos émotions parce qu'on a vraiment l'impression de faire de quoi de correct, d'être du bon côté de la clôture. Et puis à ce moment-là, on en vient qu'à le prendre comme une attaque personnelle si on arrive avec des arguments qui sont contraires à ça. Parce que là, ça devient un peu comme une religion, un peu comme un culte. C'est pour ça que souvent ici sur l'émission, moi je l'ai appelé le culte du réchauffement climatique. Parce que les gens ne questionnent pas la réalité d'une façon objective et scientifique. On le prend avec nos émotions. On veut sauver la planète, puis c'est normal. Je veux dire, il n'y a personne qui veut saccager la planète, à part quelques maniaques, OK, qui n'ont rien à foutre de l'environnement. Mais je veux dire, en général, la plupart des gens, évidemment, veulent protéger la planète et puis l'environnement. Sauf qu'on est en train de vous vendre une fausse équation, OK? Pendant que vous êtes en train de vous battre pour une affaire qui est tellement gigantesque, je veux dire, les systèmes météorologiques, je veux dire, sont tellement complexes et hors de notre portée que vous êtes en train de vous battre de donner des coups d'épée dans l'eau, OK? Alors qu'on est en train de larguer des bombes à l'uranium appauvri en ce moment au Moyen-Orient, qui, avec les vents à travers le globe, se propagent à travers la planète, OK? Donc, la radioactivité, qui se retrouve à travers la planète, un biocide total. On pollue à grande quantité des affaires qu'on pourrait arrêter demain matin, mais on est en train de vous mettre une chimère en pleine figure. Et puis là, pendant que vous battez avec la chimère, bien, vous faites en sorte que vous n'avez plus d'emprise sur des choses qui sont bien réelles et puis sur lesquelles on peut avoir un effet directement aujourd'hui. OK? Donc, c'est bien ça qui est le problème. Toutes les données qui venaient des grands centres météorologiques comme la NASA et puis East Anglia en Angleterre et puis quelques autres produisaient des recherches météorologiques avec des données, des informations qui n'ont jamais été soumises je dirais, au public, okay, en général, à tous des chercheurs indépendants, mais elles étaient soumises à certains partenaires qui, à ce moment-là, faisaient ce qu'on appelle peer review, alors revue par les pairs. Okay? Et puis, on s'est aperçu que même ce processus-là de révision par les pairs a été corrompu par les emails qui ont été fameusement mise à découvert et relâchée sur la scène publique. Alors, même le processus pour la révision par les pairs a été corrompu dans ce dossier de la science climatique qui, finalement, n'est pas une science, mais finalement, tout un dossier politique plus que n'importe quoi. Alors, en Australie, ben, on va taxer justement le CO2. Puis, ce qui arrive, ben, c'est que là, vous avez les prix d'électricité qui vont augmenter d'un pourcentage absolument incroyable jusqu'à environ 64 %. OK? Donc, vous avez le gouvernement du New South Wales qui vont étendre leur système de taxes sur tous les consommateurs et puis les familles qui habitent dans cette place-là. Et puis là, écoutez, des factures d'électricité qui vont augmenter de 64 %. Est-ce que vous croyez que vous allez sauver la planète en ruinant les gens comme ça? C'est une question très importante. Et puis, comme je vous dis, on a déjà des possibilités de produire l'énergie avec l'énergie libre, OK? L'énergie complètement gratuite, propre et libre. Mais on vous empêche de faire ça. Après ça, on vous tape ses doigts et on vous dit on va vous taxer. Gros problème ici, gros, gros problème. Vous avez Greenpeace qui a dit aux sceptiques du réchauffement climatique, et puis là, je cite, nous savons où vous vivez. Okay? Nous savons où vous vivez. C'est incroyable. C'est un article qui a été écrit par Greenpeace, okay? Même sur leur site, qui a été écrit par des membres de Greenpeace, qui poussait les activistes climatiques à utiliser des activités criminelles dans un effort pour ravigorer le momentum qui a été endommagé, si vous voulez, là, par toutes ces révélations dernièrement qui ont été faites et puis qui montraient que toutes les prédictions qui ont été faites étaient fausses. Alors, on parle de quoi? Ici, on parle de l'Himalaya qui était censé fondre. Alors, ça a été prouvé comme étant une erreur totale. Alors, encore là, on avait travaillé les chiffres pour leur faire dire ce qu'on veut. Ensuite, vous avez les glaces en Arctique qui sont au même niveau qu'il y a 20 ans. Alors, il n'y a pas de fonte qui s'est poursuivie. En fait, là, on a beaucoup plus de froid. On a eu un hiver très froid à l'échelle de la planète. Là, vous allez trouver un paquet d'articles. Là, on parle de froid record en Angleterre, en France, en Allemagne, aux États-Unis. À un moment donné, il a fait plus froid à Miami qu'ici dans le nord du Québec. Vous avez eu des tempêtes de neige records aux États-Unis. Ça a été la même affaire dans les pays de l'hémisphère sud. Vous allez trouver une quantité d'informations absolument faramineuses, plusieurs pages. Allez voir ça. C'est pas momentané, là. C'est de quoi qui était vraiment persistant l'hiver passé, puis aussi l'hiver d'avant. Donc, ça fait maintenant 2, 3 hivers on connaît des records un peu partout. Alors là, ça, c'est pas mes mots. Comme je vous dis, allez voir les articles. Les articles sont disponibles, toutes des découpeurs de journaux, où c'est que vous allez trouver record après record de froid des personnes qui ont été incommodées, qui en sont mortes, des records de tempêtes de neige un peu partout, les aéroports qui ont été congestionnés, qu'on est obligé de fermer, les lignes de train, pareil, les transports qui ont été excessivement difficiles. Et puis là, écoutez, on se retrouve avec un dossier comme ça un peu partout. Là, vous avez le CO2 qu'on n'a pas remarqué qui s'accumulait dans l'atmosphère. Vous avez les océans qui ne se sont pas réchauffés autant qu'on pensait, même sont restés quasiment stables. Vous avez les tornades qui étaient censées augmenter, puis finalement, les tornades ont diminué dans les places comme dans le sud des États-Unis. Beaucoup moins de tempêtes à l'échelle planétaire. Finalement, à peu près tout ce qu'il nous avait dit qui était prouvé comme catastrophe ne s'est pas produit. Okay? Donc, ça, c'est appuyé par une tonne d'articles que vous allez retrouver, comme je vous dis, sur les nouvelles internationales. Et puis là, on est en train de vous menacer. Là. Greenpeace est en train de vous dire on va utiliser l'activité criminelle pour essayer de booster là, le sentiment pour faire avancer l'agenda du réchauffement climatique. Ce qui se trouve être une violation carrément, là, c'est un acte de terrorisme, là, OK, pour nous faire changer nos vues politiques, là, OK. Donc, on devrait traîner en cours ces gens de Greenpeace-là. Vous avez un article, une vidéo ici incroyable sur la police environnementale qui est en train de se mettre qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Alors, une police environnementale qui vont donner des billets de contravention aux personnes qui vont contrevenir avec leurs camions qui vont supposément trop polluer ou quoi que ce soit. Alors, imaginons en train d'instaurer en plus une police verte. Alors, un système qui a des tendances. Moi, je dirais très dictatorial, totalitaire, OK? Donc, État policier très fasciste. Alors, vraiment spécial de voir ça se développer. Ensuite, vous avez les États-Unis qui ont dénié, qui vont refuser de donner de l'aide financière aux pays qui vont s'opposer aux accords de Copenhague. Alors, on est en train de faire du chantage financier en travers avec les pays qui sont plus pauvres, comme ici, on parle de la Bolivie, puis l'Équateur, OK? Donc, c'est absolument incroyable. Donc, si vous refusez d'embarquer dans le mouvement des nations qui supportent la Convention des changements climatiques de l'ONU, eh bien, on va vous couper l'aide financière. Alors, incroyable. On est en train de montrer que le vrai agenda derrière ça, c'est en train de forcer un gouvernement global sur tout le monde. Et puis ça, c'est pas dans mes propres mots, gouvernance globale, c'est dans les mots mêmes des présidents. Des différents acteurs, on parle de Greenpeace, de la Banque mondiale, on parle du FMI, on parle des Nations unies, Ban Ki-moon qui a déclaré lui-même, okay, dans des entrevues, qu'on avait besoin d'une gouvernance globale pour gérer ces systèmes-là. Alors, on veut créer une police globale et puis une institution globale qui ne sera pas élue démocratiquement, qui vont être finalement des gens qui vont être nommés, OK, donc par une élite, et puis qui vont vous dicter comment vivre votre vie, OK? Un peu comme ici au Canada où on va obliger les bulbes incandescents à être changés pour des bulbes fluorescents qui, lorsqu'ils se brisent, vont répandre du mercure et puis des isotopes radioactifs dans votre maison, comme si c'était une solution. Okay? Donc, un paquet d'affaires comme ça. Vous avez ici des documents confidentiels qui ont été révélés sur la ligne officielle d'Obama qui va pousser dans le prochain sommet sur le climat. Alors, vous avez des stratégies, ça c'était révélé par le Guardian, un journal très important en Angleterre, où on a ici des stratégies de communication qui font en sorte qu'on va essayer de faire en sorte que faut renforcer la perception que les États-Unis sont en train de construire un agenda et puis de mener des négociations aux Nations unies pour produire et puis là je cite, un régime global. Okay? Ça c'est les mots mêmes là, okay, de ces gouvernements-là. Obama, toute la gang, OK, pour combattre les changements climatiques. Alors, on veut faire en sorte qu'on va mettre en place des obligations pour forcer les pays à le faire, OK? Donc, on veut polir son image. Alors, vous voyez que c'est une image qu'on essaie de produire. On essaie de faire passer un message avec des relations publiques. Alors, too bad avec la vérité, que ce soit vrai ou pas, le réchauffement climatique, c'est plus question de ça. Allez voir les autres points aussi qui sont partis de la prochaine guerre de communication de Barack Obama. Vous allez voir que c'est très intéressant à voir. Et puis, vous allez voir aussi un paquet d'articles où, là, étant donné que le culte du réchauffement climatique a été durement atteint avec les révélations de toutes ces chiffres qui ont été manipulés pour vous faire croire qu'il y avait un réchauffement alors qu'il y avait un refroidissement global depuis les 10 dernières années, Eh bien, on a une grosse perte de crédibilité, OK? Puis vous avez vu ça à l'action au sommet de Copenhague, où c'est qu'on n'a pas été capable de signer, de ratifier un accord commun à cause que le Climate Gate a été révélé juste avant le sommet, OK? Donc, on avait essayé de l'ignorer, mais finalement, on s'est aperçu qu'Internet est vraiment puissant et puis que la vérité s'était répandue, puis les gens sont en train de se réveiller. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Il y en aura encore beaucoup d'autres à dire. Je vais y revenir dans 2 semaines. La semaine prochaine, on a une émission particulière sur le 911 puis l'État policier. Alors on va se concentrer là-dessus la semaine prochaine. Et puis dans 2 semaines, on va revenir avec le volet du réchauffement climatique, puis aussi de la santé. J'ai bien envie de parler de la santé. Ça fait longtemps et puis je manque tout le temps de temps ici. Donc on va y revenir dans 2 semaines à ce sujet. Alors voilà, c'était tout pour cette semaine. Moi, je vous dis à la prochaine. Gardez le moral et puis sachez que on a un effet sur le monde. Alors, quand vous changez votre façon de penser, vous changez les choses autour de vous aussi. Alors, la seule révolution qui compte, c'est la révolution intérieure. Alors, changez votre paradigme de pensée, poursuivez la vérité et puis vous serez libre, vous serez libéré. Je vous salue bien bas et on se retrouve très bientôt. Bye bye, ciao. What do you think you're waiting for? Time's slipping by.